Chapitre 5e. Le virtuose, en effet, se mourait de jalousie, car il avait appris que son hôte n'était pas rentré. « Oh ! » s'écria-t-il en tombant anéanti dans un fauteuil. « Si au lieu d'aimer Nicolas Paganini, la signora Monti n'aimait que ce violon ?» Et l'artiste jetait loin de lui son instrument avec une sorte de rage mêlée d'envie. Puis, effrayé du long gémissement qui s'en échappait, l'avare s'élançait sur son trésor et se mettait à genoux pour le relever. Hélas, il faut le dire, les pressentiments du malheureux n'étaient que trop justes. La passion qu'il avait inspirée était toute musicale. Le cœur de la Gioconda appartenait au seigneur Alberto. Toute cette année pendant laquelle on n'avait vu ni l'un ni l'autre, ils l'avaient passé ensemble dans les montagnes du Tyrol. Et leur commun retour à Bassano n'était qu'un dernier rendez-vous. Si l'amour ne portait pas un éternel bandeau, Paganini eût pu lire son sort dans les yeux du comte lorsque celui-ci vint le féliciter de sa victoire. Mais l'artiste se persuada que le seigneur mystifié se donnait une contenance et sa confiance se fortifia des éléments mêmes qui devaient la détruire. Tous deux affectèrent de parler en beaux joueurs de leur profonde rivalité. Ils se pressèrent la main en se provoquant de la meilleure grâce du monde. Et après avoir caché sous son chevet son or et son portefeuille, l'amant de la Gioconda fit un si doux rêve qu'à son réveil, il se trouva rajeuni. Le lendemain matin, le valet de chambre de Paganini lui annonça la visite des plus importants personnages de Bassano. Ces dilettanti venaient en ambassade, au nom de la ville entière, demander aux virtuoses la faveur insigne de l'entendre. Des propositions, ils passèrent aux prières, des prières aux supplications, des supplications aux offres les plus brillantes, propositions, prières, offres d'honneur, de cadeaux, d'argent, Paganini refusa tout. Après les dilettanti vinrent les artistes. Une immense sérénade retentit sous les fenêtres du maestro et le directeur du théâtre mit à ses pieds des sommes énormes. Artistes et impresario n'emportèrent qu'un remerciement poli. Alors deux voitures portant des armoiries royales s'arrêtèrent devant l'hôtel du comte et deux chambellans chamarrés d'or et de pierreries entrèrent chez le virtuose. Ils étaient chargés, par leur maître, le prince de I et le grand-duc de F, de proposer à Paganini 100 000 francs. Deux clés de gentilhomme camérier, les titres de comte et de marquis, le grand cordon de plusieurs ordres, etc., etc., contre quelques coups d'archet. Paganini renvoya les chambellans, comme il avait renvoyé les artistes et les dilettanti. Enfin, un petit vieillard, décrépit et nerveux, entièrement chauve, couvert d'une houppelande grise, se présenta chez le maestro. C'était un joueur de violon de la ville qui avait la passion de son art. Entendre Paganini un seul instant et dire comme Siméon « Maintenant je puis mourir », tel était le vœu suprême de l'octogénaire. Il exposa au virtuose son humble vie et sa haute ambition. Il sollicita de genoux le moment de bonheur qui le consolerait de toutes ses misères. Il implora la pitié de son confrère, après avoir imploré la générosité de son maître. Il trouva des larmes dans ses yeux desséchés, des sangles dans sa poitrine haletante. Rien ne put ébranler Paganini. Alors le vieillard se releva avec un effort désespéré. Il tira de sa houppelande un sac de cuir noir et le posa en soupirant sur les genoux du virtuose. « Ouvrez-le, maître, » dit-il. « Vous y trouverez ma vie. Je vous la donne pour un coup d'archet. » Il n'eut pas la force d'en dire davantage. Paganini ouvrit froidement le sac et son œil lança un éclair, sa bouche un cri de surprise. Il venait d'apercevoir le plus vieux, le plus noir, le plus admirable instrument qu'il eût jamais vu. « C'est le Stradivarius dont parle Hoffmann dans le violon de Crémone !» balbutia le pauvre ménétrier, en jetant un dernier regard à son trésor. « Vous concevez que j'y tienne plus qu'à la vie? Eh bien, essayez-le, et il est à vous !» Le vieillard retomba en pleurant aux pieds du maestro. Mais celui-ci ne voyait que le Stradivarius. Plus il l'examinait, plus il le retournait dans tous les sens, plus il en frappait la boîte harmonieuse, plus il en pinçait les cordes frémissantes, et plus son œil et son oreille exercées reconnaissaient l'authenticité de l'instrument. Il s'en fit raconter longuement l'origine, l'histoire et la transmission, comment il était parvenu jusqu'à l'humble artiste, à quels signes il avait pu le reconnaître, comment il l'avait conservé dans sa pauvreté, et mille autres détails qui ne firent qu'ajouter à l'évidence. Ainsi donc, plus de doute pour Paganini. C'était bien là le violon qu'il avait cherché dans tous ses voyages, qu'il avait demandé à tous les luthiers d'Europe, qui le payaient jadis au poids du diamant. Ce violon valait mieux que celui qu'il possédait lui-même, et il lui suffisait de s'en assurer pour l'acquérir. Car le vieillard agenouillé répétait toujours « Essayez-le, maître, et il est à vous. » Acheter pour une aumône un trésor unique au monde, jamais, depuis la chute d'Ève au paradis, tentation fut-elle plus irrésistible. Mais un homme comme Paganini était moins facile à séduire que la première femme. Si ce millionnaire aimait l'or comme Harpagon, si cet artiste aimait son art comme Beethoven, ce moribond aimait la vie comme Louis XI. Et chaque note qui s'envolait de son instrument, telle était sa conviction profonde, enlevée un jour à sa débile existence. Voilà pourquoi il était devenu aussi avare de son talent que de sa richesse, avare pour les autres et non pas pour lui-même, car il avait trouvé le moyen de concilier ses étranges passions. Les mélodies dont il se berçait tout seul à la sourdine, au milieu de ses nuits sans sommeil, n'avaient sur lui, croyait-il, aucune influence meurtrière. C'était l'exaltation qui s'emparait de lui lorsque quelqu'un l'écoutait jouer. C'était le contre-coup des émotions et des applaudissements de ses auditeurs qui livraient son âme à ces sublimes tempêtes dont le terme était l'épuisement ou les convulsions. Pourtant, les yeux émerveillés du maestro ne pouvaient quitter le Stradivarius. L'une de ses mains touchait les cordes et l'autre les effleurait de l'archet frémissant. Encore un moment d'hésitation et l'harmonie naissait sous les doigts de l'artiste. Un mendiant inconnu devenait l'égal de la Gioconda, et rendant vie pour vie au ménétrier, Paganini produisait peut-être son chef-d'œuvre. Le vieillard était toujours là, palpitant, agenouillé, suspendu à l'archet. Il se faisait si petit et gardait un tel silence que le virtuose l'oublia pendant une seconde. Cette seconde lui suffit pour toucher les cordes et filer une note merveilleuse. Enivré par cette note, il allait fermer les yeux et poursuivre, si son auditeur eût pu retenir un cri d'admiration. Ce cri perdit le malheureux en rappelant sa présence, et Paganini, tressaillant, laissa tomber le violon. « Allez-vous-en ! Sortez d'ici ! » s'écria-t-il avec fureur, pendant que le ménétrier relevait l'instrument. Et sentant déjà les palpitations qu'il avait redoutées, il poussa l'octogénaire hors de la chambre. Cependant, il perdait le Stradivarius. Il se créait des regrets éternels. Cette pensée lui revint si poignante qu'il rappela l'octogénaire à grands cris. Il lui offrit de son violon 10 000 francs, 20 000 francs, 100 000 francs. « Vous ne l'auriez pas pour 1 000 000 !» répondit le pauvre artiste, « mais je vous le donne encore pour quelques coups d'archet. Va-t'en donc !» reprit le virtuose en fermant la porte. Et cette scène, racontée une heure après dans Bassano, fit désespérer chacun d'entendre Paganini. Les amis seuls du seigneur Alberto gardèrent quelque espoir en apprenant son aventure chez la Gioconda et en recevant de lui l'assurance formelle qu'il n'aurait bientôt rien à lui envier.